إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc le cours d'aujourd'hui, c'est le cours 36 dans l'explication des fondements de la da'wa salafiyya. Et on est arrivé donc à un point qui s'appelle dawabitu takfir al-mu'ayyan. C'est-à-dire, on est en train de parler d'un sujet dans ce chapitre qui a rapport avec le takfir. Et le takfir, c'est un sujet très très grave, très sérieux, très dangereux. C'est le fait de déclarer quelqu'un qui est musulman, de dire à son sujet qu'il est plus musulman, qu'il est kafir. Hein? Et ça, c'est quelque chose de très dangereux, très sérieux, très grave. Ok? Et c'est un verdict de la charia. C'est-à-dire que c'est un verdict qui vient d'Allah, dans le Coran et du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de déclarer quelqu'un comme étant mécréant, excepté s'il y a une preuve du Coran et de la sunna à ce sujet-là. Et même s'il y a une preuve du Coran et de la sunna, c'est pas juste tu l'appliques sur les individus comme ça. Il y a des règles et des conditions à respecter et à connaître. D'accord? Donc, une fois que tu es rentré dans l'islam en disant « Ashhadu an la ilaha illallah » ou أشهد أن محمدا رسول الله. Ça, c'est les deux principes et les deux bases de l'islam, c'est-à-dire le shahadatain. Je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah. Ça, c'est les bases de l'islam. Si quelqu'un fait ou dit quelque chose ou croit en quelque chose qui vient en opposition avec cette base-là, eh bien, ça a détruit son islam. D'accord? Ça, on va en parler en détail de toute façon. Les choses qui annulent l'islam, on en parlera en détail comme on en a parlé déjà dans les cours précédents. Sauf qu'il y a un groupe, on a parlé de ça dans les cours précédents aussi, qu'il y a un groupe extrémiste qui est apparu dans la Umma, parmi les musulmans, et eux qui ont exagéré dans ces questions de takfir et qui font que quelqu'un sorte de l'islam, même s'il n'a rien fait qui est en opposition avec les fondements de l'islam. Le simple fait que la personne commette un péché, ils disent « Ah, ça y est, il est plus musulman ». Alors que ce péché-là, ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement en désaccord ou en opposition avec les fondements de la religion. C'est en opposition avec l'islam, dans le sens que c'est un péché, mais ça ne fait pas sortir de la religion tant que la personne reconnaît que ce qu'il fait, c'est un péché. Tu comprends? Mais étant donné que c'est des personnes qui sont extrémistes et qui sont ignorantes souvent, donc ils tombent dans ces formes d'exagération-là, puis ils déclarent mécréants des gens qui ne sont pas mécréants. Donc, il faut comprendre que même si on sait qu'une personne, par exemple, a dit quelque chose qui est considéré comme étant kufr, mécréance dans l'islam, ou shirk, c'est-à-dire une forme d'association, le fait d'associer avec Allah dans l'adoration, de lui donner des partenaires, de commettre un acte d'idolâtrie, ou dire des paroles d'idolâtrie ou des choses de ce genre, eh bien, pour qu'on puisse appliquer le verdict sur un individu, il y a des conditions à respecter. Il y a des conditions à connaître et à respecter. Donc, le cheikh, il explique ce principe-là, et il réfère ici, il nous réfère à un livre en note de bas de page qui s'intitule « Wajadilhum billati hi ahsan » écrit par un cheikh qui s'appelle Bandar ibn Naif al-Utaybi. C'est un petit livre qui a été écrit par ce cheikh dans lequel il traite des shubuhat ou bien des ambiguïtés les plus connues, les plus propagées parmi les jeunes aujourd'hui dans le monde musulman et dans les pays non musulmans aussi, les points sur lesquels ils essaient de se baser pour essayer de déclarer mécréants les dirigeants musulmans dans les pays arabes, dans les pays non arabes, puis les individus aussi parmi les savants ou les autres. Donc ces jeunes-là, c'est ce qu'ils font. Et le cheikh, il a écrit ce livre-là pour répondre à ces arguments, ou ces faux arguments qu'ils essaient de ramener pour dire que ces gens-là ne sont pas musulmans. D'accord ? Donc il réfère à ce livre-là. Maintenant, le point qu'on va expliquer maintenant, c'est « Dawabitu takfir al-mu'ayyan », c'est-à-dire les principes à connaître pour, en ce qui concerne le fait de déclarer un individu en particulier comme étant non-musulman ou mécréant, kafir. D'accord ? Et quand on dit « al-mu'ayyan », c'est-à-dire un individu en particulier. Pourquoi on spécifie « al-mu'ayyan » Parce que il y a al-takfir al-mutlaq et al-takfir al-mu'ayyan. Al-takfir al-mutlaq, c'est lorsque on émet une règle générale. En voulant dire, si quelqu'un dit telle chose ou fait telle chose, eh bien, dans ce cas-là, il devient kafir. Mais sans désigner un individu spécifique. Comme par exemple, si je te dis, celui qui se prosterne devant une idole, hein, il est kafir. Il est mushrik. Hein? Si je te dis par exemple, celui qui insulte Allah subhanahu wa ta'ala, il est kafir. Celui qui adore une tombe, il est kafir. Celui qui fait des invocations et qui prie un mort ou une statue ou une croix, il est mushrik, il est kafir, il est mécréant. Ça c'est des verdicts généraux. Des règles, de façon générale, on dit ça, dans ce cas-là, c'est des paroles qui sont vraies, des principes qui sont vrais, puisque celui qui fait ça, il entre en opposition avec la ilaha illallah. Tu vois? Il entre en opposition avec le tawhid et l'islam, le fondement de l'unicité d'Allah et de la soumission à Allah. Mais, parfois, pour appliquer ce verdict-là sur un individu, il y a des choses qui peuvent entrer en ligne de compte qui font qu'on ne peut pas le dire à propos de telle ou de telle personne. Par exemple, à propos de X ou à propos de Y. On ne peut pas dire que X est mécréant ou mushrik. On ne peut pas dire que Y est mécréant ou kafir ou mushrik. Pourquoi ? Parce que parfois, ça se peut que cette personne-là, c'est une personne qui est ignorante. Elle, peut-être qu'elle vient juste de se convertir. On ne lui a pas encore appris les détails et les règles. Et lui, il a dit ou il a fait quelque chose sans le savoir. Sans savoir que cette chose-là est en opposition avec les fondements de l'islam. Donc, tu ne peux pas le déclarer kafir ou mushrik tout de suite. Il faut que tu, avant que tu le fasses, il faut que tu puisses lui apprendre, lui expliquer, lui montrer. Et après ça, si la personne persiste, là tu vas dire, bon, tu as commis un acte de kufr, dans ce cas-là, tu es en dehors de la religion, ou ainsi de suite. Mais pour l'instant, tant que la personne est nouvelle ou ignorante, on ne peut pas la déclarer mécréante. D'accord ? Ou bien, parfois, il y a d'autres raisons qui peuvent faire en sorte que quelqu'un est excusé pour un acte de mécréance ou une parole de mécréance lorsque ça concerne des sujets qui sont très, très subtils dans la religion. C'est-à-dire des sujets ou des questions qui sont très, très compliqués à comprendre ou détaillés que seulement les grands savants arrivent à comprendre parce qu'eux, ils ont étudié ces sujets-là en profondeur. Eux, ils comprennent ces sujets-là, mais des fois, des gens ordinaires ou du commun des musulmans va entendre parler de ces sujets-là, il va se mélanger là-dedans, il va dire des choses contraires à l'islam, mais il ne sait pas que c'est contraire. Donc, c'est dans ces genres de questions ou de ces sujets-là, quelqu'un pourrait être excusé aussi. Donc, si quelqu'un se précipite à dire « Ah, lui, il est mécréant à cause qu'il a dit telle ou telle chose, alors que c'est un sujet très, très compliqué que lui, il n'a pas bien compris », ça, tu vas faire sortir de l'islam des gens sans que ce soit établi sur quelque chose de clair ou une preuve. Donc, le cheikh, il dit justement, ça c'est juste pour introduire le sujet, maintenant le cheikh, il dit « وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ وَقَعَ فِي الْكُفْرِ أَصْبَحَ كَافِرًا إِذْ قَدْ يُوْجَدُ عِنْدَ الْوَاقِعِ فِي الْكُفْرِ عند الواقع في الكفر ما يمنع تكفيره قال شيخ الإسلام فليس كل مخطئ كافرا لا سيما في المسائل الدقيقة التي كثر فيها النزاع الأمة. Donc le cheikh il explique que c'est pas toute personne qui tombe dans un kufr, soit dans une parole ou dans une action ou dans une croyance qui est kufr, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va être automatiquement kafir ou qu'il va être automatiquement mécréant. puisque c'est possible qu'il y ait quelque chose qui vienne empêcher qu'on applique sur cet individu-là le verdict du kufr. D'accord? Et il cite une parole d'un grand savant de l'islam qu'on appelle Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, un des grands savants de l'islam. Il a dit, dans Majmou' al-Fatawa, le volume 16 à la page 434, il dit, c'est pas toute personne qui commet une erreur, hein, et qui dit une parole de kufr par erreur, ou qui fait un acte de kufr par erreur, parmi les musulmans, lorsqu'il fait une parole ou une action de kufr, qu'on va déclarer nécessairement mécréant. Et en particulier dans les questions très très détaillées, très très subtiles, dans lesquelles il y a beaucoup de divergences parmi les musulmans dans la Ummah. Donc dans ces questions-là, on ne va pas déclarer nécessairement la personne kafir lorsqu'elle fait une erreur dans ces questions-là. Il dit وقال وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وإن غلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة ومن ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. Donc, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit aussi dans le volume 12, dans Majmou' al-Fatawa, à la page 466, il dit, c'est pas toute personne, hein, il dit, c'est pas permis à quiconque de faire le takfir, de déclarer quelqu'un comme étant kafir parmi les musulmans, même s'il commet une erreur, hein, jusqu'à ce qu'on ait fait deux choses. La première chose, c'est qu'on ait établi la preuve sur cet individu-là, et qu'on lui ait clarifié les arguments et les preuves. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ça veut dire que tu ne peux pas déclarer quelqu'un kafir tant que tu n'as pas établi sur lui la preuve et que tu as clarifié à cette personne-là les arguments et les preuves de qu'est-ce qu'il fait, pour lui montrer premièrement que qu'est-ce qu'il dit et qu'est-ce qu'il fait c'est en contradiction avec les fondements de l'islam, et lui montrer les preuves du Coran et de la Sunna à ce sujet-là, et de lui donner les arguments clairs pour le convaincre. D'accord? Et il dit, celui dont l'islam est établi avec conviction et certitude, on ne peut pas lui enlever cette description-là par un doute. C'est-à-dire que si on est certain que quelqu'un est musulman, on l'a entendu dire « Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah », on l'a vu prier à la mosquée, on a vu de lui les preuves que c'est un musulman, on n'a pas le droit de le faire sortir de l'islam par un doute. Comme tu dis, ah, je pense que lui, là, il a dit quelque chose de kufr, ou je pense que, hein, il n'est pas musulman. Si tu as une preuve qu'il est musulman, tu n'as pas le droit de le faire sortir de l'islam par un doute. Man sabata islamuhu biyaqin, la yazulu anhu bishak. Et ça, c'est un principe général dans les aspects, dans la charia. C'est un principe général. C'est que on n'enlève pas, on ne retire pas une certitude par un doute. Par exemple, tu as fait ton wudu. C'est certain que tu as fait ton wudu. Tu es allé faire ton ablution. Maintenant, tu as prié le zohr, tu as prié l'asr maintenant. Prière de maghrib arrive. Là, tu dis, subhanallah, je ne sais pas si j'ai encore mon wudu. Je ne sais pas si j'ai perdu mon wudu ou non. La certitude, c'est quoi? C'est que tu as fait ton wudu. Tu es certain que tu as fait ton wudu avant la prière de Asr. Mais le doute, il est où? Il est, est-ce que j'ai perdu le wudu ou non? Le doute, il ne peut pas enlever cette certitude-là. Donc, tu te bases sur la certitude. Et tu dis, j'ai fait mon wudu, ça c'est certain. Le doute est au sujet de le fait que j'ai perdu le wudu. Dans ce cas-là, je l'élimine. Ça veut dire que je suis encore avec mon wudu, j'ai le droit de faire ma prière de Maghreb sans refaire mon wudu. Parce que je suis certain que je l'ai fait mon wudu. Tandis que si c'était le contraire, si ton doute c'était que je ne sais pas est-ce que j'ai fait le wudu ou non, mais je suis certain que j'ai perdu mon wudu, mais je ne sais pas si est-ce que je l'ai refait mon wudu après ou non. Là, le doute, il est où? il est dans le fait de faire wudu ou non. Dans ce cas-là, tu te bases sur la certitude. D'accord? Et dans, comme j'ai dit, ça c'est une règle générale dans la charia. Donc, ça s'applique aussi à ce principe du takfir aussi. C'est que si quelqu'un t'est certain que c'est un musulman, t'as pas le droit de le faire sortir de l'islam, sauf si t'as une preuve et une certitude à ce sujet-là. D'accord? Donc, il dit, بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. C'est-à-dire que cette personne-là, on ne peut pas enlever ou la faire sortir de l'islam ou l'enlever de l'islam, excepté après avoir établi la preuve et clarifié l'ambiguïté, si cette personne-là elle a une ambiguïté quelconque. C'est-à-dire, quand je dis une ambiguïté, c'est une shubha. On appelle shubha quelque chose qui est un argument qui ressemble à quelque chose de vrai, mais qui est faux en fait. C'est-à-dire, la personne, elle s'est mélangée dans sa compréhension. Elle a utilisé un verset, mais en dehors de son contexte. Ou un hadith, en dehors de son contexte. Elle l'a compris à l'envers. Donc, elle pense que c'est une preuve qui supporte qu'est-ce qu'elle dit ou qu'est-ce qu'elle fait, alors que dans la réalité, si tu ramènes ces versets ou ces hadiths dans leur contexte réel et que tu les ramènes avec les autres versets et les autres hadiths qui le clarifient, tu vas voir qu'il n'y a pas d'argument pour, en faveur de cette personne-là. En fait, la preuve, elle est surtout contre elle. Mais à cause de son ignorance ou de son manque de compréhension, elle a mal compris les versets, donc elle a une ambiguïté, elle a une shubha. Et là, on vient clarifier cette ambiguïté-là et lui enlever en lui clarifiant la preuve et en lui expliquant les arguments corrects. Donc ça, c'est au sujet de cette citation de Cheikh al-Islam qui nous explique ce principe-là. Ensuite, il dit « وقال إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين وإن التكفير المطلق لا يعني تكفير المعين إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. » Donc le cheikh il explique ici encore une fois dans le volume 12 de la page 487 dans Majmou' al-Fatawa, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit, et pourquoi on cite Ibn Taymiyyah, les savants se réfèrent souvent à Ibn Taymiyyah parce que c'est un des plus grands savants de l'islam et qu'il est né environ, je pense si je ne me trompe pas, en l'an 648, Hijri. Et il est né donc à une époque où il y avait beaucoup de ce genre d'innovation puis de sectes. Et il a écrit des livres pour réfuter chacun de ces égarements-là et pour clarifier les fondements de la religion. Et il y a peu de savants qui l'ont égalé dans ce domaine-là et qui ont clarifié les choses de la façon dont il l'a fait. Et c'est pour cette raison-là qu'on considère en général les paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah comme étant une référence dans ces questions-là. D'accord? Et il dit ici dans cette parole que pour faire le takfir, il y a des conditions à respecter. Pour qu'on dise de quelqu'un qu'il n'est pas musulman, qu'il est kafir, alors qu'on sait que c'est un musulman à la base, mais peut-être qu'il a commis quelque chose, un acte kufr, une croyance ou une parole qu'il a exprimée ou une action qui est en contradiction avec les fondements de l'islam, pour qu'on puisse dire de lui qu'il est kafir, il y a des conditions à respecter. Et il y a des empêchements à éliminer. Et ça, c'est des choses que, s'ils ne sont pas respectés, au sujet d'un individu en particulier, alors on n'a pas le droit de dire de lui qu'il n'est pas musulman. Et le cheikh il dit, toutefois il faut comprendre qu'il y a une différence entre le verdict de takfir qui est général ou qui est fait de façon absolue, c'est-à-dire sans désigner quelqu'un en particulier, et le takfir d'un individu spécifique. Le takfir de façon globale ou générale ou absolue, c'est pas nécessaire d'établir une preuve sur une spécifique ou particulière pour chaque exemple, juste de mentionner la preuve que cette chose elle est kufr, hein, ou que cette parole elle est kufr avec une preuve du Coran ou de la Sunna, tu vois. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans certains hadiths, il a dit par exemple, il va dire man allaqa tamimatan faqad ashrak. Celui qui a accroché un porte-bonheur ou bien un talisman, il a commis un acte de shirk. Donc ça, on a la preuve que c'est shirk. Ok? On a la preuve que c'est shirk parce qu'il y a un hadith qui dit ça. Maintenant, c'est possible que tu vois quelqu'un dans la rue qui est musulman, puis qui a un talisman dans son cou, ou sur son bras. Est-ce que tu vas dire automatiquement, lui, c'est un kafir? Non. Pourquoi? Parce que c'est possible que cette personne, elle sache même pas que c'est kufr. C'est possible aussi qu'elle ne le porte pas avec l'intention de chercher la protection en cet objet-là. Peut-être qu'elle le porte juste comme ça parce qu'elle pense que c'est un moyen pour éloigner le mal. Elle pense ça. Hein? On lui a enseigné ça à l'école ou quand elle était petite. Ses grands-parents ou ses parents lui ont dit ça. Mais elle n'a jamais appris. Donc, cette personne-là, elle n'a pas l'intention de faire le kufr et elle ne sait pas. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui expliquer, il faut lui montrer, il faut lui apprendre que ça c'est un acte de shirk, de kufr. Si elle le porte avec l'intention ou la croyance que cet objet peut la protéger en dehors d'Allah, indépendamment d'Allah, ça c'est une forme de shirk majeur. Ça veut dire que la personne qui porte cet objet-là sur elle-même pour se protéger d'un mal quelconque, soit d'un mauvais sort, soit de la sorcellerie ou de la magie, ou bien soit pour se protéger du mauvais œil ou des choses de ce genre, et qu'elle pense que cet objet-là, elle a un pouvoir en soi de protéger contre ça, et que c'est indépendamment d'Allah, dans ce cas-là, elle a commis un acte de mécréance et d'idolâtrie majeure qui le fait sortir de l'islam. D'accord? Donc, ça c'est un cas. Ensuite, si elle le porte, elle dit, non, je ne crois pas que ça peut me protéger, sauf que c'est un moyen que j'utilise qui peut être bon dans le fait d'éloigner le mal. On va dire à cette personne-là, dans ce cas-là, ça c'est quelque chose qui est shirk, c'est un shirk, mais il ne te fait pas sortir de l'islam. Mais c'est quand même un shirk, et c'est très dangereux. Et c'est un shirk mineur, shirk asrar. Donc il faut s'en écarter, il faut éliminer ça complètement. Tu comprends? Si la personne, elle dit, non, je le porte juste comme ça pour décoration, hein, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut pas faire, puisque c'est imiter les idolâtres. C'est une imitation des idolâtres. C'est comme quelqu'un, il dit, moi, je porte une croix, mais je crois pas en la croix. Je porte ça juste comme ça, décoration. Ça dit, non, t'as pas le droit de le porter, même si c'est une décoration, parce que c'est un objet que les idolâtres adorent en dehors d'Allah. Ils prennent la croix comme un porte-bonheur, ou ils le prennent comme une idole, quelque chose qu'ils adorent. Donc, c'est pas permis pour un musulman de le porter, même si il le porte pas avec cette intention-là. D'accord? Donc, ça, c'est des exemples du fait que, pour appliquer le verdict, il faut être sûr que la personne connaît le verdict avec la preuve et qu'on ait établi ça sur la personne. Donc, si par exemple, maintenant, tu expliques ça à la personne avec les preuves, tu lui mentionnes le hadith, tu lui mentionnes les versets, et tu lui clarifies ça, puis qu'elle dit, ah non, moi je m'en fous, je continue à le mettre, parce que moi je veux que ça me protège, eh bien là, tu sais que cette personne, elle a commis un acte de kufr. Dans ce cas-là, le verdict va s'appliquer sur cette personne. D'accord? Mais bien entendu, comme les ulama ils l'ont expliqué, de déclarer quelqu'un comme étant mécréant, c'est pas n'importe qui a le droit de faire ça. Là, on explique ces règles-là, mais c'est juste pour qu'on puisse les comprendre. Mais ça ne veut pas dire qu'on a le droit de les appliquer. Celui qui a le droit d'appliquer ces règles-là, c'est celui qui est savant. C'est quelqu'un qui a atteint un niveau de connaissance et un niveau de science dans la religion musulmane et qui a étudié avec les ulama. Lui, une fois que les ulama ont vu en lui qu'il est prêt, qu'il a bien compris, qu'il a bien connu les principes et qu'il est apte à les appliquer, là, ils vont lui donner la permission de faire ce genre de verdict-là. Mais sinon, c'est pas à un individu de s'aventurer dans ce genre de choses-là, même si c'est un étudiant. Même si c'est un étudiant en islam, c'est pas à lui de s'aventurer à faire ce genre de verdict-là, parce que tu risques de faire des erreurs. Et de faire des erreurs dans ce genre de choses-là, c'est grave. C'est plus grave que de faire une erreur dans une chirurgie à cœur ouvert. Hein? Tu vas être en train d'opérer quelqu'un, tu te trompes, tu coupes la mauvaise artère, hein? Là, à cause de toi, la personne est morte. Eh bien, ça, c'est déjà grave, c'est dangereux, tu joues avec la vie de quelqu'un. Ça, c'est encore plus dangereux que ça. Parce que c'est un verdict qui a rapport avec la foi en Allah, qui a rapport avec l'au-delà, qui a rapport avec toutes sortes de règles de l'islam qui sont dans les fondements. Tu ne peux pas t'aventurer là-dedans, sauf si tu as vraiment bien approfondir tes fondements de la religion musulmane. Donc, on n'explique pas ça pour être capable de dire comme, toi t'es pas musulman, toi t'es musulman, mais surtout pour être capable de comprendre seulement, puis de savoir quand quelqu'un s'aventure dans ces choses-là, que souvent il y a des gens qui parlent avec ignorance, donc on est averti, puis on s'écarte de ces gens-là. Ok? Donc, comme le cheikh il le dit ici, que le takfir de façon générale, ça c'est, hein, c'est pas un problème du moment que tu te bases sur les versets, les hadiths et les paroles des ulama. Tu dis les savants ont dit telle chose c'est kufr. Les savants ont dit telle action c'est shirk. D'accord. Mais pour le dire à telle personne, yahi, toi t'es mécréant ou toi t'es mushrik aussi et ça, là non. Ça c'est, ça demande un autre degré de science plus élevé pour être capable de faire ça. Et il faut connaître les conditions et les empêchements et quand est-ce et comment ça s'applique. Donc ensuite de ça, le cheikh dit wa qal فتكفير معين من هؤلاء الجهال وامثالهم بحيث يحكم عليهم بانه من الكفار لا يجوز الاقدام عليه الا بعد ان تقوم على احدهم الحجه الرساليه التي يتبين بها انهم مخالفون للرسل وان كانت هذه المقاله لا ريب انها كفر وهذا الكلام في تكفير جميع المعينين. Donc le cheikh il dit que le takfir d'un individu en particulier de la part de certains ignorants, hein, ou des gens de cette catégorie-là, de telle façon à ce que l'un d'entre eux va dire à propos de l'autre qu'il est mécréant, ou qu'il fait partie des koufars, ça c'est pas permis pour eux de s'aventurer là-dedans, et de rentrer dans ce genre de sujet-là, jusqu'à ce que la preuve a été établie, la preuve du message de l'islam a été établie sur eux, et qu'on a clarifié à ces gens-là qu'ils ont opposé les messagers et qu'ils ont contredit les messagers. Même si on dit que la parole que la personne a dite, c'est clair, il n'y a aucun doute que c'est une parole de kufr, mais ça ne veut pas dire qu'on a le droit de dire qu'elle est kafir. Hein? Quelqu'un il va dire par exemple une parole qui est kufr, tu ne vas pas dire automatiquement, ça veut dire ah toi t'es kafir. Non, il faut établir la preuve, hein, contre cette personne-là et montrer que yani, il faut lui clarifier les choses. Et il dit ça, ça s'applique à toutes les personnes en particulier lorsque on parle du takfir. C'est pas une catégorie en dehors d'une autre. Ça s'applique à tous les individus. Dans les questions de takfir, il faut respecter ses principes et ses règles. Et ça, c'est tiré de Majmou' al-Fatawa, le volume 12 à la page 500. Ok, les paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Encore une fois, tu vas voir des gens, comme le Cheikh va le mentionner tout à l'heure, hein, des gens qui font le takfir des musulmans aujourd'hui, dans les pays arabes, des jeunes surtout. Ils parlent de qu'est-ce qui se passe dans les pays arabes. Ils disent, ah, tel président il est mécréant, tel président il n'est pas musulman, parce qu'il fait ci, parce qu'il fait ça, parce qu'il fait de l'injustice, parce qu'il vole l'argent, parce qu'il fait ci, parce qu'il fait ça. Ils n'ont aucune preuve dans le Coran ou dans la Sunna que ça c'est kufr. Ils n'ont aucune parole des savants qui supportent qu'est-ce qu'ils disent. Ils font juste leur verdict de leur propre tête. Parce qu'ils suivent des tendances politiques et des groupes, hein, qui sont sur une secte qu'on appelle les Khawarij, comme j'ai dit tout à l'heure au tout début, qui sont des extrémistes dans la religion. Ils veulent faire sortir de l'islam des gens pour des choses qui ne sont pas mécréances, des choses qui ne sont pas shirk. Et eux, ils veulent justifier ça parce que ce sont des gens qui sont influencés par les révolutionnaires, le communisme, le socialisme, ce genre de mouvement-là. Et pour eux, c'est ça la vérité, c'est ça qui est bien. Ils veulent faire des révolutions, ils veulent, hein, changer qu'est-ce qui se passe en se basant sur les exemples des communistes ou des laïcs, des socialistes. Et ils veulent essayer d'interpréter l'islam à la lumière de ces idéologies-là. Donc, ils essaient d'interpréter ça pour justifier leurs actions et de déclarer ces dirigeants-là mécréants. Donc, on a expliqué déjà que c'est pas comme ça que ça marche. Le cheikh, il dit ensuite, « قال الشيخ الألباني, الشيخ الألباني, رحمه الله, c'est un des grands savants de notre siècle, Cheikh Mohammed Nasiruddin Al-Albani. Il est d'origine albanaise. D'accord? Mais lui, il vivait en Syrie. Il a vécu en Syrie, puis il a vécu aussi en Jordanie. Il a enseigné aussi en Arabie Saoudite à l'université de Médine pendant un certain temps. C'est un des grands savants spécialistes dans la science du hadith. Ok? Et c'est qu'est-ce qu'on appelle un muhaddith, c'est-à-dire un savant de hadith. Mais aussi, c'est-à-dire que malgré qu'il était spécialisé dans ce domaine-là, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas savant dans les autres domaines de la science aussi. Hein? Donc c'était un savant dans tous les domaines de la science, mais il était spécialisé dans le hadith. Okay? Et il a écrit même des livres pour expliquer et clarifier les hadiths qui sont authentiques et ceux qui ne sont pas authentiques. Donc aujourd'hui, à notre époque, si on te cite un hadith, eh bien, depuis qu'on te donne la référence de ce hadith-là, on est capable de savoir le degré du hadith, est-ce qu'il est authentique ou faible, hein, en se référant aux écrits, justement, de ce cheikh. Si c'est un hadith qui est dans Al-Bukhari ou dans Muslim, il n'y a pas de problème parce qu'on sait que ça, c'est des livres authentiques. Mais si c'est un hadith qui est dans les autres livres de hadith comme Al-Nasa'i, Al-Tirmidhi, Ibn Majah ou Abu Daoud ou d'autres, ces livres-là n'ont pas été nécessairement classifiés à l'époque en hadith authentique ou faible. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des grands savants comme Cheikh Al-Albani qui ont fait la classification par la suite pour qu'on puisse savoir quel hadith est authentique et lequel il n'est pas authentique. Donc, Cheikh Al-Albani, si vous entendez Cheikh Al-Albani, vous savez maintenant que ça c'est un des grands ulama et que c'est un des savants de hadith et qu'il a fait de grands efforts et de grands travaux pour purifier les textes et la révélation de la religion et pour qu'on puisse justement comprendre bien l'islam. Donc il fait partie des savants qui sont parmi les savants de la sunna, qui défendent la vérité, qui défendent la sunna. Donc qu'est-ce qu'il dit ce cheikh? Il a beaucoup parlé, beaucoup écrit sur ceux qui exagèrent dans ces questions du takfir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens d'égarement à notre époque qui le détestent. Et en général, tu vas trouver que tous les grands savants de l'islam aujourd'hui, les gens d'égarement, ils ont toujours quelque chose à dire contre eux, tout le temps. Donc si vous entendez des gens qui critiquent ces savants-là, automatiquement vous savez qu'il y a un problème chez eux. Hein? Ça, c'est un signe. Les gens qui détestent les savants et qui les critiquent, c'est des gens malades en général. Donc Cheikh Al-Albani, il dit laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al-kufru alayhi. Ça c'est une règle. Cheikh Al-Albani l'a dit dans Silsilat al-Hadith al-Sahiha, le hadith numéro 3048, il dit c'est pas tout le monde qui tombe dans le kufr, qui tombe dans un acte de kufr ou dans une parole de kufr, que le kufr tombe sur lui. Ok? C'est-à-dire que quelqu'un peut faire un kufr ou dire un kufr, ça ne veut pas dire que ce kufr-là va s'appliquer à lui, nécessairement. La même chose pour le shirk. C'est pas parce que quelqu'un fait un acte de shirk qu'il est automatiquement mushrik. Et la même chose pour la bid'a. C'est pas nécessairement quelqu'un fait une bid'a qu'il est automatiquement mubtadi'. Il faut, comme on a dit, voir que les conditions sont applicables et que les choses ont été clarifiées et les preuves ont été établies. Je ne sais pas s'il y a des mouchoirs ou quelque chose. Ah oui, ok, barakallahu fik. Je pense que j'ai des allergies à chaque fois. Non, c'est pas les ventilateurs, c'est des fois c'est la poussière. Des fois c'est le pollen, des fois c'est la poussière. Non. Donc ça c'est la parole de Cheikh Al-Albani. Maintenant il y a un autre savant aussi parmi les grands ulama, Cheikh Mohammed ibn Salih Al-Uthaymeen. Cheikh Al-Albani il est décédé, rahimahullah, au début des années 2000, si je ne me trompe pas, de 1999 ou 2000. Cheikh Al-Albani, 1999 exact. C'est ça. Donc, Cheikh Ibn Uthaymeen, lui, barakallahu fik, Cheikh Mohammed Ibn Salih Al-Uthaymeen, il est décédé quelques années après. Et c'est un aussi parmi les grands savants. Donc, dans une de ses fatawa, une de ses interventions, il a dit, c'est dans Al-Liqah, fil Bab Al-Maftouh, la question, c'est, attends, c'est le volume 3 à la page 125, la question 1222. On lui a posé la question au sujet du takfir et de ces choses-là. Cheikh, il a répondu, il a dit « Kullu insan fa'ala mukaffiran fala budda an la yujad fihi mani' min mawani' al-takfir. Fala budda min al-kufr al-sarih الذي لا يحتمل التأويل فلا يكفر صاحبه أو فلا يكفر صاحبه إن قلنا إنه كفر فيفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل. Donc, Cheikh Ibn Uthaymin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, toute personne qui fait quelque chose qui est kufr ou qui fait que quelqu'un devient kafir, il faut qu'il n'y ait aucun empêchement qui nous empêche de le déclarer kafir quand il le fait. Ok? Et du moment que yani, la personne, donc, il a un empêchement, dans ce cas-là, on ne peut pas le déclarer kafir. Premièrement, il faut que le kufr soit clair, apparent, et il ne faut pas qu'il y ait une ambiguïté ou quelque chose qui fait qu'on puisse interpréter son action d'une autre façon. Par exemple, si quelqu'un a fait un acte de kufr ou a dit une parole de kufr, mais qu'on est capable de lui donner une autre signification qui n'est pas kufr ou une autre interprétation qui n'est pas kufr nécessairement, il faut, dans ce cas-là, s'abstenir de déclarer la personne mécréante jusqu'à ce qu'on ait établi la preuve et clarifié qu'est-ce que la personne voulait dire réellement. Si on dit que c'est kufr, il faut faire deux distinctions. Il faut faire la distinction entre la parole et la personne qui dit cette parole et entre l'action et la personne qui fait cette action. La parole, si c'est une parole de kufr, on a dit, ça ne veut pas dire que celle qui dit cette parole qu'il est nécessairement kafir. Si c'est une action, ça ne veut pas dire que cette action-là est kufr, que la personne qui l'a fait est nécessairement kafir. Donc on a vu que Ibn Taymiyyah a dit ça, Cheikh Al-Albani il a dit ça, Cheikh Ibn Uthaymin il a dit ça. On a vu les paroles de ces savants-là et yani, on trouve un grand nombre de savants dans le passé et à l'époque actuelle qui disent ces principes-là parce que ce sont des fondements qui font partie des fondements de Ahl-Sunnah qui sont basés sur des versets et des hadiths qui sont clairs à ce sujet-là. On va les mentionner dans qu'est-ce qui va suivre, Inch'Allah. Quelqu'un qui ne fait pas le Ramadan, par exemple, et qui reconnaît que c'est obligatoire, on va dire de cette personne-là qu'elle est une personne qui est désobéissante, que c'est un pécheur, mais on ne va pas dire qu'elle sort de l'islam pour ça. D'accord? Il faut juste lui expliquer le verdict que le Ramadan, c'est obligatoire. Et que si elle ne le fait pas, elle commet un péché. Elle a désobéi à Allah. Si elle le rend halal, c'est-à-dire si elle déclare que de jeûner, si elle déclare que de ne pas jeûner, c'est halal, si elle a le droit de ne pas jeûner, ça, dans ce cas-là, ça va devenir un acte de kufr si cette personne-là, elle n'est pas ignorante. C'est-à-dire, si c'est une personne qui vient de se convertir, qui ne connaît pas encore l'islam, puis que elle pensait, par exemple, comme le Cheikh Ramzan, quand il est venu, il a donné cet exemple à Toronto. Ou même ici, je pense qu'il a donné cet exemple. Il a dit, si quelqu'un se convertit à l'islam, il est nouveau, et il a appris que dans le Ramadan, il ne faut pas manger, il ne faut pas boire. Mais il ne savait pas que on n'avait pas le droit de s'abstenir. Il ne savait pas qu'on n'avait pas le droit d'avoir des rapports sexuels ou intimes avec notre femme pendant le Ramadan, pendant le jour. Alors, lui, il rentre chez lui, puis il fait des rapports intimes avec sa femme pendant le Ramadan. Et elle dit, mais non, c'est pas interdit. Qu'est-ce qui est interdit, c'est de boire et de manger. Là, est-ce que tu vas dire cette personne est mécréante parce qu'elle dit que c'est permis de faire des rapports sexuels dans le jour, dans le Ramadan? Non, parce qu'elle ne savait pas. Donc cette personne-là, elle est excusée parce qu'elle vient de se convertir, elle n'a pas appris. Donc tu dois lui apprendre cette chose-là. Si elle va le rendre halal après qu'elle a appris, qu'on lui a montré les preuves, là c'est autre chose. Parce que là, tu rends halal si haram. Et ça, c'est comme si tu contredis le Coran et la Sunna. Donc, dans ce cas-là, ça, c'est un acte de mécréance. Mais juste de faire le péché ou de commettre le péché lui-même, tout en reconnaissant que c'est interdit de le faire, ça, ça ne fait pas sortir de l'islam. C'est comme pour donner l'exemple. Si quelqu'un boit de l'alcool, Hein? Il prend un verre de bière ou bien de vin ou de rhum ou autre et il boit ça. Et il dit, si on le voit, on dit, ah, ça c'est haram, taqillah, craint Allah, c'est un péché. Il dit, oui, je sais qu'Allah me pardonne. Hein? Je reconnais qu'est-ce que je fais, c'est pas bien. Et j'essaie de me repentir, j'essaie de changer. Celui-là, tu peux pas dire qu'il est mécréant. Ça, c'est un musulman, mais un musulman qui est pécheur, qui a la foi faible. Tandis que si tu vois un autre, il prend l'alcool, il boit, tu lui dis, ah, ça c'est haram, pourquoi tu fais ça? Il dit, non, non, c'est pas haram. C'est permis de boire de l'alcool. Là, s'il le rend halal, alors que tu lui mentionnes le verset dans le Coran, et il le connaît, oui, je connais tous les versets dans le Coran qui disent que c'est haram. Alors, dans ce cas-là, ça c'est kufr. Parce qu'il rend halal ce qui est haram. Tu vois? Donc, dans ce cas-là, on va dire qu'un autre, maintenant là, tu as vu, celui qui boit l'alcool, il le rend halal. Un autre, il boit l'alcool, il ne le rend pas halal. Il dit, oui, c'est haram, je sais que c'est un péché. Celui-là, c'est un pécheur, l'autre, c'est un mécréant. Il le rend halal avec connaissance. Tandis qu'une autre personne, il ne boit jamais d'alcool. Il déteste l'alcool. Mais il dit, l'alcool, ce n'est pas haram. C'est permis de le boire. Et tu lui montres les preuves et il dit, non, non, tu as le droit de le boire, ce n'est pas interdit. Il renie les versets et les hadiths. Même s'il n'a jamais bu une goutte d'alcool de sa vie, le fait qu'il nie l'interdiction, il est mécréant. Tandis que l'autre qui boit, toute la journée il boit de l'alcool, et il dit que c'est haram, et lui il est musulman, mais sauf qu'il est pécheur. Tu vois la différence? Parce que ça c'est une question qui a rapport avec la croyance, qui a rapport avec les principes, et le fait de reconnaître qu'est-ce que Allah t'ordonne. La même chose pour l'adultère, la même chose pour la fornication, la même chose pour toutes les choses que Allah a interdites de façon générale. Hein? Si quelqu'un commet le péché, tout en reconnaissant que c'est un péché, c'est moins grave que celui qui nie l'interdiction, même s'il ne le fait pas. D'accord? Donc, ça, c'est très important de le comprendre. Le cheikh, il dit, ensuite, donc, cheikh Ibn Uthaymeen, dans un autre passage, c'est dans son livre qui s'appelle Al-Qawa'id al-Muthla, il dit, « يقول الشيخ ابن عثيمين, الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا بل هو إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة فيجب التثبت فيه غاية التثبت. » Donc le cheikh il explique ici un point important, c'est que le fait d'émettre un verdict ou de juger que quelqu'un est kafir ou que quelqu'un est fasiq, c'est-à-dire qu'il est pécheur ou qu'il est mécréant, c'est pas à nous que ça revient. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est-à-dire c'est pas quelque chose qui revient à nous. C'est un verdict qui revient uniquement à Allah et à son messager. C'est Allah qui peut dire qu'est-ce qui est kouf et qu'est-ce qui est shirk. Et qui peut dire qui est kafir et qui est mushrik. Ça fait partie des règles de la sharia qui reviennent au Coran et à la sunna. Et donc, il est obligatoire de faire très attention dans ces questions-là et de vérifier hein, de façon très très très précise et de faire très attention avant d'émettre ce genre de verdict. Donc, pour résumer, le cheikh il dit « Inna al-dabit al-awwal fi takfir al-mu'ayyan wa huwa tawaffur shurut al-takfir wa intifa al-mawani'a. » Donc, la première règle pour le takfir d'un individu, c'est quoi? C'est de vérifier que les conditions du takfir sont présentes et de vérifier qu'on a éliminé ou on a enlevé les empêchements. D'accord? Ça, c'est la première condition, premier principe. En ce qui concerne les mawani', on va les mentionner parce que le cheikh les a mentionnés plus loin. Il en mentionne trois parmi les mawani'. Et la première, c'est l'ignorance. La deuxième, c'est l'erreur, l'oubli ou la contrainte. En fait, on peut mentionner chacun d'eux comme étant un empêchement aussi. Donc la première, c'est l'ignorance. On pourrait dire que la deuxième, c'est l'erreur. La troisième, c'est l'oubli. La quatrième, c'est la contrainte, c'est-à-dire quelqu'un il te force à le faire avec une arme. Il te dit, si tu dis pas que Jésus est fils de Dieu, je te tue. Hein? Il prend son fusil, il met ça au bas de ta tête. Il dit, si tu dis pas que Jésus est fils de Dieu, je te tue. Alors toi tu dis, juste pour sauver ta vie, tu dis, ok, bon, je vais dire ça. Tu le dis, mais dans ton cœur, tu crois fermement que Jésus n'est pas le fils de Dieu, que c'est un être humain, que c'est un messager, un prophète, et que Allah est unique et qu'il n'a pas de fils. Si ça arrive, ça, dans ce cas-là, on dit que ça fait partie de la contrainte, et que dans ce cas-là, tu n'es pas mécréant. Tu ne sens pas de l'islam, parce qu'on t'a contraint, on t'a forcé. Tu restes toujours musulman. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ça dans le Coran. Il dit illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. C'est-à-dire excepté celui qui a été contraint alors que son cœur est toujours en paix avec la foi. Celui-là, il n'est pas mécréant. Mais celui qui le dit volontairement sans qu'on le contraigne, et là lui c'est autre chose, il est mécréant parce qu'il a opposer la foi. Ou bien aussi un autre exemple de qu'est-ce qui peut être un empêchement de dire que quelqu'un kafir ou de déclarer quelqu'un kafir, c'est at-ta'wil, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire lorsque quelqu'un il a mal compris ou mal interprété un verset ou parce qu'il a été induit en erreur par certaines erreurs de compréhension qu'il a. On va en parler de plus en détail dans le prochain cours, inshallah. Là, c'était juste pour les mentionner. Hein. Donc, on a dit l'ignorance, l'erreur, l'oubli, la contrainte et la mauvaise compréhension. Ça peut être des choses qui empêchent qu'on puisse déclarer quelqu'un comme étant mécréant. Donc, la première, on a dit les conditions. Le premier principe, c'est que les conditions sont respectées et que les empêchements sont éliminés. Le deuxième principe, الضابط الثاني أن المسلم لا يكفر إلا بعد أن تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة لقوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. Donc le deuxième principe par rapport au takfir d'un individu, c'est que le musulman, il faut comprendre qu'il n'est pas mécréant, il ne devient pas mécréant tant qu'on n'a pas établi sur lui la preuve et qu'on n'a pas éliminé l'ambiguïté qui le trouble ou qui la chose qu'il a mal compris. Et la preuve de ça, c'est le verset 115 dans sourate At-Tawbah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là, il n'appartient pas à Allah, mais Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas égarer un peuple après qu'il les ait guidés jusqu'à ce qu'il leur ait clarifié ce qu'ils doivent craindre. Hein? Tant qu'Allah ne leur a pas clarifié ce qu'ils doivent craindre, ce de quoi ils doivent s'abstenir. Et Allah est certes omniscient. Donc ça, c'est un exemple de preuve à ce sujet-là. Allah ne va pas égarer des gens après qu'il les a guidés jusqu'à ce qu'il leur ait clarifié ces choses-là. Et le point numéro 3, le principe numéro 3, الضابط الثالث يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. فنصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة لا يستلزم ثبوتها على الأعيان إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. Donc le cheikh il explique que, comme troisième point, c'est qu'il faut absolument faire la distinction entre la règle générale, absolue, et la règle appliquée à un individu. Parce que quand vous allez lire dans le Coran, quand vous allez lire dans les hadiths, vous allez voir des versets qui disent « Celui qui fait telle chose, il va être dans l'enfer. Celui qui dit telle chose, il va être dans l'enfer. Hein? Ou celui qui fait telle chose, il a mécru. » Ou celui qui dit telle chose, il a mécru. D'accord? Ça, c'est des versets et des hadiths de menace. On l'appelle les versets de la menace ou les hadiths de la menace. Ok? C'est des textes qu'on appelle les textes de la menace dans le Coran et dans la Sunna. Ces versets-là ou ces hadiths-là, ça n'implique pas nécessairement qu'on les applique à des individus en particulier. D'accord? Jusqu'à ce que comme il dit, jusqu'à ce que les conditions ont été vérifiées et que les empêchements ont été éliminés. C'est pour ça qu'il faut distinguer entre l'acte et la personne. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est la même chose, sauf qu'on les répète. Ok? Donc tu vas voir par exemple un hadith qui dit « Ma asfal al-ka'bayn min al-izar fa fi an-nar » C'est-à-dire, qu'est-ce qui est en bas de la cheville, parmi les vêtements que tu portes, ça c'est dans le feu. Ça veut dire, si tu vois un musulman qui rentre ici, et que son pantalon est en bas de la cheville, tu sais que le hadith dit que ça c'est dans le feu, parce que c'est en bas de la cheville. Donc c'est haram. Mais est-ce que tu peux l'appliquer sur cet individu-là pour dire, lui il va être dans le feu? Non. Peut-être que ça s'applique à lui, peut-être que non. Hein? Dans le sens que peut-être que il va, peut-être qu'il est ignorant, peut-être qu'il ne sait pas, peut-être que il sait, sauf qu'il n'a pas eu le temps de les couper encore. Hein? Il a l'intention de le faire, mais il n'a pas eu le temps. Donc il allait le faire. Et donc ça c'est un exemple. Ou bien aussi ça se peut que cette personne-là, elle a commis ce péché-là, puis que au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ce péché-là à cause de d'autres bonnes actions qu'elle a faites. Ou à cause de choses qui sont venues expier ce péché. Par exemple, disons qu'elle a fait beaucoup de bonnes œuvres qui ont effacé ce péché-là. Ou bien qu'elle a été malade ou qu'elle a eu un accident qui a fait que Allah, par ces maladies-là ou par cet accident, Allah lui a effacé certains de ses péchés. Donc, peut-être que cette personne-là va être pardonnée de cette chose-là. Elle est sous la miséricorde d'Allah dans ce genre de choses, des fois. Donc, ça se peut que le hadith s'applique à l'individu en particulier, ça se peut qu'il ne s'applique pas. Mais dans le sens que nous, on doit prendre la menace de façon générale et obéir à l'ordre d'Allah et du messager. Lorsqu'on entend ce genre de hadith-là, on doit s'abstenir de ces interdictions-là. Mais pour appliquer sur un individu, ça c'est autre chose. Mais de façon générale, on doit comprendre le verdict. D'accord? Ça c'est très important de comprendre. Quand tu lis un hadith ou un verset dans le Coran, quand est-ce que tu dis, quand est-ce que ça s'applique, quand est-ce que il peut y avoir des exceptions ou des conditions qui font que la personne est excusée ou pardonnée. Le Cheikh il donne un exemple, il dit ولهذا فرق شيخ الإسلام بين مقالة الجهمية وهي كفر وبين قائلها فلا يلزم أن يكون قائل الكفر كافرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم أنا لو وافقتكم كنت كافرا لأني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. Donc ici, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il explique cette règle. Il dit que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, quand il a traité de la parole de la secte des Jahmiyyah, on sait que c'est une parole de kufr. Parce que les Jahmiyyah, c'est une secte qui nie les attributs d'Allah et qui nie les noms d'Allah. Par exemple, quand ils lisent un verset dans le Coran ou un hadith dans la Sunna qui mentionne certaines caractéristiques d'Allah, ils les déforment ou ils les nient. Ils disent non, on ne peut pas dire ça à propos d'Allah. C'est ça, c'est une parole, comme le Cheikh dit, c'est une parole de kufr. Comme par exemple, Allah il dit dans le Coran, Allah s'est établi au-dessus du trône. Allah s'est élevé au-dessus du trône. Ar-Rahman wa ala al-Arsh istawa. Donc ça c'est un verset dans le Coran qui parle d'Allah. C'est Allah qui dit ça à propos de lui-même. C'est obligatoire d'y croire. C'est obligatoire de l'affirmer. Quelqu'un arrive maintenant et dit non, tu ne peux pas dire ça à propos d'Allah. Pourquoi? Parce que si tu dis ça, ça veut dire que tu fais ressembler Allah à la création. Tu dis oui, mais est-ce que Allah lui, est-ce que c'est pas Allah lui-même qui l'a dit? Je dis oui, c'est Allah qui l'a dit. Donc dans ce cas-là, comment tu peux m'interdire de dire ce qu'Allah a dit? La ressemblance, elle est dans ta tête. Elle n'est pas dans la réalité. Parce que nous, on sait qu'il n'y a rien qui ressemble à Allah, de ses créatures. D'accord? Donc, ça c'est un exemple de Shubha. Et ça c'est apparu par la secte des Jahmiyyah, qui nie les attributs d'Allah. En fait, je sais de quoi tu parles. Tu parles probablement des Ahbash. Des Ahbash. Bon. C'est ça. il y a des jeunes qui prient dans cette mosquée-là qui ont ces choubouhats. Donc, ça vient à l'origine de la secte des Jahmiyyah. Ça, c'est une parole de kufr à la base, parce que tu nies quelque chose que Allah a affirmé. Sauf que, ça ne veut pas dire que la personne qui le dit est nécessairement kafir. Et nous, c'est pour ça qu'on ne va pas dire de ces gens-là qu'ils sont nécessairement des kuffars. D'accord? Pourquoi? Le Cheikh l'Islam, il l'explique. Il dit Ibn Taymiyyah dans son livre Ar-Radd ala al-Bakri. Hein? Il dit dans son livre Ar-Radd ala al-Bakri, c'est le volume 12, à la page 500, dans Majmou' al-Fatawa. Il dit, si moi, c'est-à-dire lorsque j'ai parlé avec les Jahmiyyah, parmi les Hululiyyah et les Nufat, Al-Hululiyyah, ceux qui pensent que Dieu est en tout, Dieu est, il croit que Dieu est présent en toute chose, mélangé avec sa création, qu'il est partout. Ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle la aqida des Hululiyyah. C'est une croyance de. Ça, c'est Hululiyyah. Un peu comme les chrétiens qui disent que Dieu est dans Jésus, hein, des choses comme ça, l'incarnation, des trucs comme ça. Il y a des gens qui se disent musulmans qui croient en ce genre de choses-là. Ça, c'est des croyances ça fait partie du kufr, ok? C'est des choses de kufr. Et il y en a parmi ces gens-là qui sont pas hululiyyah, mais qui nient que Dieu est au-dessus de son trône, au-dessus de sa création. Donc, tu vas trouver de ces deux catégories-là. Les gens, quand tu leur dis Allah est au-dessus de son trône, ils vont dire non, tu peux pas dire ça parce que ça veut dire que tu dis que Dieu est dans un espace et dans un endroit. Et Dieu ne peut pas être dans un endroit parce que c'est Dieu qui a créé l'endroit. Hein? Nous, on leur dit, parle-moi pas d'endroit. Déjà, le terme endroit, il n'est pas mentionné dans le Coran ou dans la Sunna. Et il n'est ni affirmé et il n'a pas été nié non plus. Donc nous, dans ces termes-là, qui ne sont pas mentionnés dans le Coran ou dans la Sunna à propos d'Allah, on n'en parle pas. En premier, on n'en parle même pas, dans le sens que on va pas l'affirmer, on va pas le nier, puisque c'est un terme qui n'existe même pas dans le Coran ni dans la Sunna à propos d'Allah. Et on n'a pas le droit de dire à propos d'Allah ce qu'on ignore. Et ça, on l'ignore. Donc, on n'a pas le droit de l'affirmer, on n'a pas le droit de le nier. Maintenant, en ce qui concerne la signification de cette parole, nous, on affirme de cette parole son sens qui est en accord avec le Coran et la Sunna. Et s'il y a un sens qui est en opposition ou en contradiction avec le Coran et la Sunna, on nie cette signification-là. Donc, par exemple, nous, on dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de sa création, au-dessus de son trône. Et si, qu'est-ce que vous voulez dire par le fait qu'Allah n'est pas dans un espace, qu'il est au-dessus de son trône, au-dessus de sa création, dans ce cas-là, on est d'accord avec cette signification-là parce qu'elle est en accord avec le Coran et la Sunna. Mais la parole elle-même, on la rejette. Parce que c'est une parole qui est une innovation, qui ne fait pas partie de l'islam. D'accord? Donc, ça c'est l'exemple des Nufat. Ils disent non. Hein? Ils nient que Allah est au-dessus de son trône. En fait, ils nient Allah lui-même. En fait, ils ne croient même pas en Allah. La réalité, c'est que ce sont des matérialistes, des athées. Mais ils ne veulent pas le dire directement. Ils ne veulent pas le dire directement. Ils passent par ce genre de ruse-là. Ils nient les attributs d'Allah. Hein? Donc ça, c'est important de comprendre ça. Donc, ces gens-là, ils nient qu'Allah est au-dessus de son trône, alors qu'Allah l'a affirmé. Et lorsqu'il y a eu le procès, Cheikh l'Islam, il a eu beaucoup d'ennuis avec ce genre de personnes, avec ces sectes. Il a eu beaucoup d'ennuis avec eux. Ils l'ont amené en cours, souvent, et il a dû subir beaucoup de procès avec eux. Parce que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, à son époque, il défendait la Sunna. Il défendait le Coran et la Sunna et la Aqida des Salaf al-Salih, c'est-à-dire des premiers musulmans. Et à l'époque de Ibn Taymiyyah, il y avait beaucoup de ces gens-là qui avaient été influencés par ces sectes. Et eux, ils avaient parfois atteint certaines positions dans le gouvernement, ou bien ils avaient un poste de juge ou des choses comme ça. Quand ils entendaient Ibn Taymiyyah réfuter leurs croyances, eh bien ils allaient voir les dirigeants, puis ils incitaient les dirigeants contre Ibn Taymiyyah pour lui donner des problèmes. Alors là, il se faisait appeler en cours et on lui faisait des procès à chaque fois. Donc dans un de ces procès là il dit à ces gens-là, il dit à ces gens qui font partie de ces sectes, Il dit, si je disais votre parole, je serais kafir, je serais mécréant. Si moi, je disais la même chose que vous, je serais mécréant. Sauf que, il dit, pourquoi je dirais que je suis mécréant? C'est parce que je sais que votre parole, c'est une parole de kufr. Sauf que, vous n'êtes pas mécréant par rapport à moi, parce que je sais que vous êtes ignorant. Hein? Donc, Ibn Taymiyyah, il les excusait à cause de leur ignorance. Tandis que il dit que leur parole, c'est une parole de kufr. Mais il ne va pas les déclarer mécréants. Donc, c'est la même chose à propos de ces gens-là, parmi les gens de Bid'a aujourd'hui, qu'on rencontre, qui nient les attributs d'Allah. On ne va pas nécessairement les déclarer kuffar. Eux, ils nous déclarent kuffar. Moi, j'en ai rencontré un parmi ces gens-là, parmi les Ahbash. Je suis arrivé, je l'ai rencontré dans le métro, commencé à discuter, salam alaikum, alaikum salam, je ne le connaissais pas. Et puis, on est rentré, je ne sais pas de quelle manière, mais on est rentré dans une discussion au sujet de ça. Puis quand je lui ai mentionné les versets dans le Coran, Ar-Rahman, ala al-Arsh istawa, Allah s'est élevé au-dessus de son trône, et ainsi de suite, il m'a regardé, il dit, non, astaghfirullah, tu ne peux pas dire ça. Hein? C'est écrit dans le Coran. Et j'ai mentionné le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a demandé à la jeune fille esclave, où est Allah? Elle a dit, Allah est dans les cieux. Et quand il lui a demandé, qui suis-je? Elle a dit, tu es le messager d'Allah. Il a dit, libère-la, c'est une croyante. Hein? Ça, c'est un hadith authentique rapporté par l'imam muslim. Hein? Sahih. C'est un hadith clair qui prouve que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de sa création, c'est-à-dire dans les cieux, c'est-à-dire quand on dit dans les cieux, au-dessus des cieux, au-dessus de la création. Quand je lui ai mentionné ce hadith-là, il dit, non, astaghfirullah, Allah n'est pas dans un endroit et des choses de ce genre. Pourquoi? Parce qu'il se base sur la philosophie grecque et les livres de Platon et d'Aristote pour interpréter le Coran, au lieu de se baser sur la révélation. Ok? Il se base sur la métaphysique, les livres des Grecs, tout, pour essayer d'interpréter qui est Allah. Ils veulent comprendre Allah avec leur raison, pas avec la révélation. Hein? Mais si il y a des choses que tu peux connaître à propos d'Allah en se basant sur la raison. C'est-à-dire que tu peux comprendre par la raison que Allah est le seul créateur, que Allah est tout puissant, que Allah voit tout, qu'il entend tout, qu'il sait tout. Ça, rationnellement, tu peux le prouver. Mais il y a des attributs que Allah possède que tu ne peux pas les connaître excepté s'il te le mentionne dans la révélation. Ok? Mais eux, ils ne veulent pas l'accepter. Parce qu'ils se basent juste sur la raison seulement. Qu'est-ce qui est révélé? Ils l'interprètent d'une autre manière. Ils essaient de déformer son sens pour que ce soit en accord avec l'idée qu'ils se sont imaginée eux-mêmes à propos de Dieu. Ils se sont fait un Dieu eux-mêmes dans leur esprit et ils veulent que ce Dieu-là respecte qu'est-ce qu'ils ont imaginé eux. Hein? C'est ça le danger de leurs égarements. Donc nous, on ne va pas les déclarer nécessairement. Eux, le gars, lui, en question, il m'a dit, ça y est, toi, tu n'es pas un musulman, tu es kafir. Il m'a dit ça comme ça. Je suis pas musulman. Hein? Tandis que nous, on ne les déclare pas mécréants, ces gens-là. On ne va pas faire le même. C'est pas parce que quelqu'un te déclare kafir, tu vas le déclarer kafir lui-même. Pourquoi? Parce que lui, il se base sur sa passion. Nous, on se base sur des principes et des règles. D'accord? Donc si lui, il me dit kafir, moi, je ne veux pas nécessairement lui déclarer kafir. C'est pas une question qui est basée sur la vengeance, là. C'est-à-dire, toi, tu me dis kafir, donc toi aussi, tu es kafir. Non. Déjà, de dire kafir, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui dit à son frère ou à une autre personne, oh, kafir, alors cette parole, elle revient sur la personne qui l'a dite. C'est-à-dire, si cette parole, elle ne s'applique pas à la personne à qui il l'a dite, elle revient sur elle. D'accord? Donc si tu as dit à propos de quelqu'un, « Oh toi, le kafir », et que cette parole, elle s'applique, dans ce cas-là, tu es excusé. De façon générale, on va dire, si tu dis à quelqu'un kafir, et qu'elle est vraiment kafir, dans ce cas-là, ça s'applique sur la personne. Mais si ça ne s'applique pas sur la personne, et que tu l'as dit injustement, cette parole-là revient sur toi. Donc c'est très dangereux d'accuser quelqu'un d'être un kafir. Donc lui, il m'a déclaré kafir, moi je ne le déclare pas kafir, parce que c'est un ignorant. Et il a dit cette parole-là, mais il ne comprend même pas ce qu'il est en train de dire. Il ne sait même pas que ce qu'il est en train de dire, c'est une parole de kufr. Hein? Donc ça c'est grave. Le cheikh dit aussi, « Wa kadhalika yaqul, inni da'iman ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية. Donc ça c'est tiré également du même livre, même référence. Al-Radd al-Bakri, il dit: et moi je dis toujours, et toute personne qui s'assoit avec moi, il le sait, il sait cette chose-là de moi, que je fais partie des, je suis une des personnes qui interdit le plus le fait d'attribuer une personne en particulier à la mécréance ou à la perversité ou à un péché. C'est-à-dire le fait de dire de quelqu'un qu'il est mécréant ou fasiq ou pervers ou bien un pécheur. Donc Ibn Taymiyyah, il fait partie des personnes qui interdisent ce genre de choses-là et qui s'écartent le plus de ce genre de choses. Excepté si on a su que la preuve de la révélation a été établie sur cette personne. D'accord ? Donc ça nous montre. Et il y a un quatrième principe, on a mentionné le premier, le deuxième, le troisième. Maintenant, un quatrième principe à ce sujet-là, il dit « الضابط الرابع أن التكفير لا يجوز أن يصدر إلا من العلماء إذ لا يقبل من أحد طلاب العلم فضلا عن أحد الناس. » C'est-à-dire que le takfir, on n'a pas, le takfir, c'est pas permis qu'il vienne de la part de quelqu'un d'autre que d'un savant. Il faut que cette personne qui fasse le takfir soit parmi les ulama, les savants de l'islam. Et ce n'est pas accepté de la part de certains d'entre eux, même quelqu'un qui fait partie des étudiants dans la science islamique. Donc si tu entends maintenant, tu vois des jeunes dans la rue maintenant, ils déclarent le dirigeant, un tel dirigeant, il dit « Ah, lui c'est un mécréant, tel président de tel pays c'est un mécréant, tel président de tel pays c'est un mécréant. » Et non seulement ça, même les savants, ils les déclarent mécréants. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire « Lui, tel savant, il dit pas que ce dirigeant-là est mécréant. Donc, il est un mécréant lui aussi. » Puis là, ils vont venir te voir, ces gens-là. C'est des khawarij, des gens qu'on appelle les takfiri. Ils exagèrent dans le takfir. Ils viennent te voir et disent « Toi, tu dis quoi à propos de tel président ?» Là, toi, je sais pas, je le connais même pas. Est-ce qu'il est musulman ou non? Allahu a'lam, je sais pas, moi, je pense qu'il est musulman parce que je vois que c'est un musulman, il fait la prière, et ainsi de suite. Donc, si tu dis pas qu'il est mécréant, donc toi-même t'es mécréant. Tu vois? C'est comme ça, ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'il se base sur la règle qui dit « Celui qui ne déclare pas un mécréant mécréant, il est lui-même mécréant. » Cette règle-là, elle est vraie si tu parles des mécréants dans le sens des gens qui sont chrétiens ou juifs ou des athées ou des idolâtres, des hindous ou des bouddhistes. Tu dis « Est-ce que les hindous sont des mécréants? » Oui, sont des mécréants. Est-ce que les chrétiens sont des mécréants? Oui, c'est des mécréants. Est-ce que les juifs sont des mécréants? Oui, sont des mécréants. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ne croient pas en le Coran, ne croient pas en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils font du shirk avec Allah. Ils prient à Jésus, ils prient à Marie, ils prient à d'autres saints, ils prient à des statues, ils prient à des croix. Ils prient au frère André, ainsi de suite. Est-ce que les voodooisants sont des mécréants? Oui. Pourquoi? Parce que, ils adorent les lois, ils adorent ils font du shirk, des choses comme ça, ils sacrifient des animaux pour les lois, des choses comme ça, ça c'est du shirk. Tu vas demander, par exemple, est-ce que les juifs sont des mécréants? Oui. Ils ne croient pas en Isa, ils ne croient pas en Jésus, ils ne croient pas en le Coran, ils ne croient pas en l'Injil, ils ne croient pas, Donc ça c'est des exemples de kouf et de shirk. Celui qui ne déclare pas ces gens-là kouffar sont des kouffars, à moins que ce soit des nouveaux convertis. Ils n'ont jamais appris l'islam, tu leur apprends. Même s'il y a des groupes actuellement, des groupes musulmans qui disent non, on ne peut pas dire que les chrétiens ne sont pas des musulmans, c'est des gens du livre. Oui, c'est des gens du livre, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas des mécréants. C'est des mécréants, mais des gens du livre. C'est-à-dire que c'est des mécréants qui ont reçu un livre. Parce qu'il y a des mécréants qui n'ont pas reçu de livre. Comme les Arabes à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était des mécréants, mais ils n'avaient pas reçu de livre, eux. Ils n'ont pas reçu un prophète avant. Tandis que les juifs et les chrétiens, c'est des mécréants, mais ils ont reçu un livre. Eux, ils pensent que le fait que ce sont des gens du livre, ça veut dire que ce n'est pas des mécréants. Non, ça c'est une erreur. Hein? Donc, celui qui ne déclare pas ces gens-là mécréants, il est mécréant. Mais en ce qui concerne quelqu'un qui est musulman, qui dit « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah » et que toi tu t'abstiens de le déclarer mécréant, parce que tu n'as pas de preuve, il n'y a pas de preuve qu'il est mécréant, ou il n'y a rien de clair qui montre que c'est un mécréant, ou qu'on n'a pas établi la preuve sur la personne, alors toi tu dis non, je m'abstiens, je ne dis pas de lui qu'il est mécréant. Alors eux ils vont dire, ah, dans ce cas-là tu es un mécréant parce que tu ne dis pas d'un mécréant qu'il est mécréant. Non, ça là c'est en dehors de cette règle. Parce qu'on ne parle pas des musulmans, on parle des koufars qui sont, comme on appelle, il y a une distinction que les savants ils disent, il y a les kafir asli et le kafir al-murtad. Le kafir al-asli, c'est celui qui est à la base mécréant parce qu'il est dans une religion de mécréance. Et le kafir al-murtad, c'est celui qui était musulman qui a quitté l'islam. Ça, c'est deux catégories de mécréants. Et quand on parle de la règle qu'on a mentionnée, celui qui ne dit pas d'un kafir qu'il est kafir, alors il est kafir, ça c'est par rapport au kafir al-asli. Le mécréant qui est mécréant parce qu'il est à la base dans une religion qui est en dehors de l'islam. D'accord? Ça c'est dans ce cas-là. Celui-là, on peut dire qu'il est kafir sans hésitation, tandis que l'autre, ça ne s'applique pas. Et le verdict au sujet du fait de dire que quelqu'un est kafir, comme on a dit, c'est quelque chose qui est spécifique au ulama, ce n'est pas n'importe qui a le droit d'appliquer ce verdict-là. Ensuite, les exemples que le cheikh a mentionné des paroles des ulama à ce sujet au sujet de ce quatrième principe-là, c'est que le cheikh il dit, يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فإن تسلية الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات وإنما أصل هذه من الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة المسلمين لما يعتقدون فيه من الدين. Ça c'est tiré de Majmou' al-Fatawa, le volume 35, à la page 100. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, يعني l'imposition des ignorants qui déclarent les savants musulmans mécréants, ça c'est un des plus grands mal qui existe. Le fait que des ignorants commencent à parler de takfir et qui déclarent même les savants comme étant mécréants, ça c'est un des plus grands mal qui existe. Et c'est ce qu'on voit à notre époque de la part de certains. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est ce qu'on voit à notre époque de la part de certains ignorants. Ils n'ont même pas appris. Ils n'ont même pas appris le Coran, ils n'ont même pas appris les hadiths. Les règles de la purification, ils ne connaissent pas. Hein? Si tu leur poses des questions au sujet des conditions de la salat, ils ne les connaissent pas. Yani, les choses de base de la religion, ils ignorent. Les conditions de la ilaha illallah, si tu leur poses la question c'est quoi, ils ne savent pas. C'est quoi les choses qui annulent l'islam, ils ne savent pas. Yani, les seules choses qu'ils savent, c'est dire qui est mécréant, qui n'est pas mécréant. Des fois, c'est des gens qui ont grandi dans des sociétés qui ne sont pas nécessairement des sociétés ou des, disons, des familles qui sont religieuses ou des sociétés qui sont religieuses, tu les vois qu'ils reviennent à la religion. Ils se repentent de leurs péchés, ils reviennent à la religion, mais ils reviennent avec beaucoup d'émotions, beaucoup de la passion, les émotions, ils ont beaucoup de verve, ils veulent faire beaucoup d'efforts, mais ils tombent dans l'extrémisme. Et des fois, comme tu dis, comme le frère dit, ils ont des fois la haine contre le système, la haine, beaucoup de haine contre les koufars, mais une haine qui est démesurée. Dans le sens que c'est une haine qui n'est pas limitée par les limites de la charia, c'est une haine qui est basée sur la passion, sur la vengeance, hein, et des choses de ce genre-là. Donc ces gens-là, ils vont jusqu'à déclarer mécréants les ulama de l'islam. Et il y a des gens qui ne connaissent même pas les bases même de la religion, ils vont déclarer mécréants les savants de l'islam. Et ça, à la base, comme le cheikh il dit, ça c'est à la base, ça vient des Khawarij, la secte des Khawarij et la secte des Rawafid. Les Rawafid, c'est les Shia, hein, qui déclaraient les Sahaba Kuffar. Les Rawafid et les Khawarij, ils ont déclaré les premiers musulmans mécréants. Alors que eux, ils viennent d'entrer dans l'islam, ils voient les sahaba qui ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont appris la religion directement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils les voient et disent, vous êtes des mécréants. Et ils commencent à prendre leurs armes puis à combattre les sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils pensent qu'ils connaissent mieux l'islam que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que ils viennent eux de connaître l'islam. Et à notre époque, c'est la même chose. Des jeunes qui viennent de commencer à pratiquer l'islam, ils connaissent même pas l'arabe, les règles de l'arabe, ils commencent déjà à déclarer qui est mécréant, qui est pas mécréant parmi les savants. Et ils commencent même à déclarer les dirigeants et les musulmans ordinaires, hein, de déclarer mécréants. Donc ça, c'est l'extrémisme de la part de ces gens-là. Cheikh l'islam, il dit que ce qu'ils font, ça fait partie des plus grands mal qui existent, des plus grands maux qui existent parmi les musulmans. Et yani, ils suivent l'exemple des Khawarij et des Rawafid à ce sujet-là. Ensuite, il mentionne les paroles de Cheikh Al-Albani. Cheikh Al-Albani, il dit, « قال Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dans سلسلة الأحاديث الصحيحة, sous le hadith 3048, il dit, « ولهذا فإني أنصح أولئك الشباب أن يتورعوا عن تبديع العلماء وتكفيرهم وأن يستمروا في طلب العلم حتى ينبهوا فيه وأن لا يغتروا بأنفسهم ويعرفوا حق العلماء وأسبقيتهم فيه. » Donc le Cheikh Al-Albani, il dit, et moi je donne comme conseil à ces jeunes de faire attention, de craindre de tomber dans le fait de déclarer les savants innovateurs ou mécréants, de dire qu'ils sont des mubtadi'a ou des kuffar. Et je leur conseille également de continuer à chercher la science jusqu'à ce qu'ils entrent profondément dans la science, pour qu'ils comprennent comme il faut leur religion, et qu'ils ne se laissent pas tromper par eux-mêmes, et qu'ils reconnaissent le droit et la précédence que les savants ont sur eux. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les savants sont les héritiers des prophètes, et donc ils ont droit à notre respect, et ils ont un droit sur nous. Les savants de l'islam ont un droit sur nous. Donc ces jeunes-là, ils viennent de commencer à pratiquer l'islam et à étudier des petites choses dans l'islam, alors que eux sont des savants qui ont étudié l'islam depuis minimum 40 ans ou 60 ans. Ce sont des hommes, leur barbe est devenue grise dans la science de l'islam. Ils ont sacrifié leur vie entière à l'étude et à la protection de la charia d'Allah et de la religion et de la croyance. Toi, tu arrives, hein, tu viens on vient juste de t'enlever ta couche et tu veux donner des leçons aux savants de l'islam, hein. On vient juste de t'enlever ta suce dans la bouche là que ta mère et ton père te mettaient dans la bouche, maintenant on te l'a enlevé. Là tout de suite tu veux commencer à t'attaquer à ces hommes, à ces montagnes de science, hein. Aie du respect pour toi-même quand même. Donc ça, c'est l'exemple que ces gens-là doivent comprendre. Les savants de l'islam nous ont précédés dans la science, ils nous ont précédés dans la crainte d'Allah, ils nous ont précédés dans la religion. Il faut avoir un respect pour eux et reconnaître le mérite qu'ils ont sur nous et le droit qu'ils ont sur nous. Une autre parole, c'est la parole de Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Saleh Al-Fawzan, rahimahullah wa hafizahullah. C'est dans Kitab Al-Fatawa Al-Muhimma, à la page 71, il y en a qui peut différer selon l'édition. On a lu déjà des fatwas de ce livre-là, hein, au début de chaque cours. Avant, on avait l'habitude de lire des fatwas de ce livre. Il dit, « La yajuzu lil jahil an yatakallama fi masail al-ilm al-kibar misl al-takfir. Fal-amru khatirun jiddan. » فعلى كل من يخاف الله أن يمسك لسانه إلا إن كان ممن وكل إليه الأمر وهو من أهل الشأن من ولاة الأمر أو من العلماء فهذا لا بد أن يبحث في هذا أما إن كان من عامة الناس أو من صغار طلبة العلم فليس له الحق في إصدار الأحكام ويحكم على الناس ويقع في أعراض الناس وهو جاهل. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il est très strict, il est très clair à ce sujet-là. Il dit, il n'est pas permis à l'ignorant de parler dans ces questions, de grandes questions qui ont rapport avec des choses comme le takfir. C'est une chose qui est très dangereuse. Il dit donc, celui qui craint Allah, il doit garder sa langue, hein, et laisser la parole à ceux à qui on a donné, hein, cette responsabilité de parler dans ces sujets-là, parmi les gens qui sont, yani, qui font partie des gens de ce domaine, parmi les gens de, par exemple, les dirigeants et les ulama, ceux qu'on a désignés pour qu'ils parlent ou qu'ils s'adressent de ces sujets-là, parce que ce sont des spécialistes dans ces questions-là, ils connaissent ces sujets-là. Donc, celui-là, il a le droit. Celui à qui on a désigné, qui est apte, qui fait partie des gens de ce domaine, il a le droit de parler dans ces questions-là et de il a le droit de chercher dans ces questions-là. Mais la personne qui fait partie du commun d'entre les musulmans ou des petits parmi les étudiants en sciences islamiques qui viennent de débuter, comme nous, on n'a pas le droit donc de rentrer dans ces questions-là. Et on n'a pas le droit de donner des règles et de donner des verdicts et de juger les gens dans ces questions-là. Et de commencer à attaquer l'honneur des gens alors qu'on est ignorant. Il faut connaître notre limite. D'accord ? Donc ça, c'est la parole de Cheikh Al-Fawzan. Et il dit aussi, dans un autre contexte, il dit « وَأَمَّا الْجُهَالُ وَأَفْرَادَ النَّاسِ وَأَنْصَافَ الْمُتَعَلِّمِينَ » فهؤلاء ليس من حقهم إطلاق التكفير على الأشخاص أو على الجماعة أو على الجماعات أو على الدول لأنهم غير مؤهلين لهذا الحكم. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne les ignorants ou les individus parmi les gens qui sont dans leur apprentissage, qui sont en train d'apprendre, les étudiants, ceux-là, ils n'ont pas le droit de d'émettre des verdicts et de parler du takfir, de faire le takfir des individus ou des groupes ou des pays, parce qu'ils ne sont pas aptes à faire ce genre de verdict-là. Hein? C'est pas n'importe qui se permet de parler de ça. Aujourd'hui, tu vois, quelqu'un, il a lu un livre ou deux de la religion, il commence à apprendre un petit peu, là ça y est, il pense qu'il a tout compris. Non, il y a beaucoup de choses que tu n'as pas compris encore. Et une fois que tu sais la chose, l'application, c'est autre chose. Hein? Tu peux lire des livres de médecine. Hein? Tu peux lire des livres de médecine à l'université, ça ne veut pas dire que tu es capable de faire une opération. Il y a une chose de connaître la matière et la théorie et de l'appliquer, c'est autre chose. Des savants, avant de faire des règles et des fatwas, ils ont côtoyé les grands savants de l'islam pendant des années. Ils les ont observés, ils ont vu comment les savants font des déductions dans les jugements, dans les verdicts, avant de l'appliquer. Et quand les savants ont vu de leur part qu'ils sont aptes à faire des verdicts, ils nous ont dit, maintenant tu as le droit, maintenant tu peux, pas avant. Aujourd'hui, nous, on pense que c'est juste comme ça, Yanni. Quelqu'un, il est autodidacte, il lit dans les livres, il a appris tout seul chez lui, il n'a jamais étudié avec des savants, il n'est jamais parti étudier l'islam, il a juste lu tout seul. Après, il pense, ça y est, maintenant je comprends. Non, c'est pas comme ça. Hein. Peut-être tu penses que tu as compris, mais peut-être que tu n'as rien compris du tout. Hein? Allah al-Musta'an. Donc, le Cheikh il dit, وقال الشيخ ابن باز رحمه الله وعلى من لم ترسخ قدمه في العلم أن لا يخوض في مثل هذه المسائل. Cheikh ibn Taymiyyah il dit, celui dont le pied il n'a pas été solidement ancré dans la science, il n'a pas à rentrer et à patauger dans ce genre de sujet. Et une autre parole de Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Mohammed Ibn Salih Al-Uthaymin, dans son livre de Fatawa Kibar Al-Akabir, Fatawa Al-Ulama Al-Akabir, et il dit, Al-ilmu bi kufrihim, ay al-mu'ayyinin, al-ulama, al-ulama, al-ladhina yuqarrirunahu. Donc Cheikh Ibn Uthaymin, il dit que le fait d'avoir la science que des individus sont des mécréants, des individus spécifiques sont des mécréants, ça c'est décidé par les ulama. Ça c'est déterminé par les ulama, les savants seulement. D'accord ? Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Inch'Allah, puis on parlera de la suite au prochain cours, Inch'Allah. Ce sera le sujet des conditions de la ilaha illallah et les choses qui annulent le témoignage de la ilaha illallah, puis les choses qui empêchent